Bonjour à toutes et à tous. On est ici à RKS, du côté de l'EHPAD Abel Maurice, au Bourdoisan, pour notre deuxième atelier qui s'intitule « Souvenir de vie, mon enfance, comment c'était quand j'étais petite ?» À mes côtés, plusieurs résidentes de la maison. On va se présenter, je pense, avec un petit tour de table. On va commencer par ma gauche. Madame Cotte, bonjour. Alphonsine. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter globalement, peut-être raconter un petit peu des éléments de... Non, si vous me questionnez, je répondrai. Sans problème. On va continuer le tour de table. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jeannine Cominu. Je suis née à Grenoble. Ah, ça j'ai oublié de le dire. Ça j'ai oublié de le dire. C'est pas grave. Moi, je suis née à Fontaine, tout de suite après le Drac. Exactement, Fontaine, on connaît très bien, dans l'agglomération. Voilà. Dans la métropole de Grenoble. Enchanté, mesdames, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis madame Gorce Ginette, Geneviève, comme vous voulez. Ah, deux prénoms ? Non, c'est Geneviève, mais Ginette, c'est un diminutif. Ah, voilà. C'est un surnom. Surnom. Voilà. Eh bien, enchanté. Bonjour. J'habite ici depuis un peu de temps, mais je suis de Paris. À côté de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine. Je suis née à Beauvais, dans l'Oise. À Beauvais, donc dans la Picardie. En Picardie, oui, voilà. Eh bien, enchantée. Voilà. Et nous allons terminer avec vous, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, Hélène Vérin. Oh là, ça fait drôle, je m'entends. Hélène Vérin, je suis bien sûr aussi à l'EHPAD de Bourdoisan, à Belle-Maurice. Je suis née à Vizille. Et que vous dire, je suis arrivée à Bourdoisan à l'âge de 8 ans. Voilà. Eh bien, enchantée, on va pouvoir démarrer cet atelier ensemble avec une question toute simple. Comment c'était quand vous étiez enfant ? Je peux vous laisser la parole librement pour celle qui a envie de commencer à répondre à cette question. Enfant, c'est-à-dire ? C'est-à-dire... C'est quand même un peu plus grand que bébé, quoi. C'est ça. À 2 ans, ça suffit. On va faire plus du reste. Hein. 2 ans. Oui, à 2 ans. Moi, oui. Mais encore, oui, 2 ans. Je ne sais même pas où j'étais, moi, encore. À 2 ans. Et 2 ans, vous ne pouvez pas vous rappeler de... Si, bah. Un tout petit peu. Un tout pas petit moi. Peu pas moi, pas du tout, moi. Moi, je ne me rappelle pas de grand-chose. C'est vrai, parce que... J'avais une tante. J'étais à Beauvais, après mon père était gendarme. Elle a eu un garçon, elle a été déçue. Elle voulait une fille, alors elle m'a toujours pris sous son aile. Sous son aile. Elle m'offrait des petits jouets, des trucs comme ça. C'est un beau souvenir pour vous ? Ah oui, ça c'est le seul souvenir de petite que j'ai. Hein. C'était quoi comme jouet qu'elle vous offrait ? La poupée, les petits manettes, les petits services en métal, enfin... Ah, la dinette ? Oui, les petites dinettes. D'accord. Voilà. Et puis le piano. Vous avez joué du piano ? Le pianoté. Non ? Non. Mais je t'en fais. Attends, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'il y a peut-être des couleurs qui vous rappellent votre enfance ? Il n'y a qu'une chose, j'ai toujours aimé le bleu. Bleu comme mes yeux. Oh ! C'est parce que vous avez des yeux bleus, c'est pour ça ? Bah oui. Ouais. Faut croire. Moi aussi. Ouais, j'adore le bleu. J'ai toujours aimé le bleu. J'en ai pas par contre sur moi. C'est une jolie couleur. Ouais. La couleur du ciel. Voilà, l'herbe de la bouche. Exactement. Oui. Vous avez peut-être aussi des odeurs particulières qui vous rappellent, peut-être qui remontent à votre enfance ? Pas du tout. Non. Moi, je sais par exemple que, en tout cas pour celles qui habitaient dans l'agglomération grenobloise, ce qu'on entend beaucoup, c'est à l'époque, il y avait la biscuiterie Brun, par exemple. Ah, oui. Les thés bruns. Moi, c'était trop loin de Fontaine. Les thés bruns. Ouais. Parce que quand on y passait, on y sentait. Y ça sentait. Hein. Ah, comme le café. Tous hein. Les bruits. Hein. Ouais, ça sentait une odeur de café, c'est ça ? Non, il y avait le café aussi, oui. On venait devant les... Parce qu'il y avait les bonbons, il y avait les biscuits. Et on venait là pour avoir les bonbons et les biscuits. Ah oui. Oui. Donc c'est un souvenir aussi pour vous ? Oui, léger, hein. Très léger. Est-ce qu'il y a peut-être des chansons que vous vous souvenez ? Ah non, ça, je me souviens pas. Non. encore moi. Ouais. Bambino. Oui, la première chanson que j'ai chantée, c'est Bambino de Dalida. Bambino. Et c'était son premier succès. J'avais 5 ans. Vous pouvez nous faire un petit air? Non? Bambino, Bambino. Et si vous le chantiez tous ensemble, cet air? Moi, je sais vous connaissez pas les paroles? Non. Et pourquoi cette chanson vous a marqué spécialement? Je l'ai trouvée magnifique. J'étais dans une famille de musiciens. Ah ben oui. Mon père était mandoliniste. Ah, ouais. Ah ben vous nous demandez. Il jouait de la mandoline, oui. Et mon frère était guitariste. Voilà, c'était notre chef. Et mademoiselle, ma sœur avait une voix magnifique. Et moi, je faisais les contre-chants. La choriste, vous faisiez en fait à l'époque? Les contre-chants. Les contre-chants. C'est quoi qu'on appelle les contre-chants? Une deuxième voix. Ah, d'accord. Voilà. Oui, merci. C'est un doublage, voilà, en fait. Voilà, oui. Tout à fait. Vous avez tourné, peut-être, fait des petites tournées, chanté dans des salles communes, par exemple? Ah oui, ça c'est bien à l'époque. Je sais pas maintenant, mais oui, à l'époque. Ouais, à l'époque, ça se faisait beaucoup, hein. C'était à l'école. À l'école. Non, on restait en famille. On chantait en fait toujours à l'école. C'était à l'école? Vous avez des souvenirs de chansons que vous chantiez à l'école? Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc il y avait Dalida. Dalida vous a marqué? Dalida, on était jeune fille déjà. Quand elle chantait avec. On chantait avec elle. On était jeune fille. On avait quelle âge? Moi j'avais 5 ans. Quand je chantais Bambino, j'avais 5 ans. C'était en quelle année? 56. Je suis née en 51. C'était en 56. Son premier succès. Elle a une mémoire. C'était comment les années 50-60 pour vous? Ça représente quoi quand on y repense aujourd'hui? De mauvais souvenirs. Ça représente... Ah bon? L'envahissement des Allemands. J'avais 14 ans et demi. Alors là, ça m'a couffé. J'avais peur. J'avais tellement peur. Parce qu'on nous disait toujours qu'il fallait les écouter, qu'ils vous... Non. Alors, j'avais 11 ans et demi. Attendez. J'avais 11 ans et demi quand ils sont rentrés en France, en 40. Hein. Et moi, je suis née en 28. J'avais 11 ans et demi. Quand je suis l'automne, ils sont rentrés au printemps, j'avais 11 ans et demi. Alors là, j'avais peur. Vous avez des souvenirs terribles de cette période? Ah oui. Ça a été terrible. Surtout ce qui s'est passé après avec eux. Hein. Ah, ça a été très dur. Ah, ouais. On n'y a pas vécu. Ils ont tué un de mes cousins. Ils ont tué un de mes cousins. Et puis un oncle, ils avaient déporté. Il est mort d'une maladie grave. Il s'appelait comment, votre cousin? Manuel Diaz. Non, Olivero. Parce que sa maman, elle s'est mariée avec un veuf qui s'appelait Olivero. Et elle a eu ce garçon, une fille et une autre fille. Aussi, quand ils sont arrivés, « Allez, descendez !» Et off, dans le camion. Oh, quel horreur. C'était pas quelque chose, hein. C'était pas des bons souvenirs du tout, hein. Ouais, c'est pas très gai. Pas du tout. Et comment vous avez fait, du coup? Vous étiez... J'imagine vous protégez beaucoup. Oui, ouais. On n'osait pas sortir. Quand on sortait, si on les voyait, on se devinait vite, hein. On ne voulait pas qu'ils nous agressent. Ils étaient violents, donc? Oh, ben, d'après ce qu'on disait, hein. D'après ce qu'on disait. Nous, on a toujours écouté nos parents, hein, d'ailleurs. Et vos parents, justement, j'imagine qu'ils ne vous laissaient pas sortir? Ah oui, ils avaient peur, hein. Ils avaient peur. Tu restes à la maison. Parce que qu'est-ce qu'ils vous auraient fait si vous avez attrapé? Oh, j'en sais rien. Ah, vous n'avez pas su, vous n'avez jamais su? Non. Non. C'était en quelle année? des claques, des trucs comme ça, hein. Mais c'était en quelle année, là, que vous parlez? La Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire? Pendant la Deuxième... Entre 38 et 40. Ils ont envahi la France en 40. Oui, alors moi, j'ai pas compris. J'avais 2 ans, moi. Hein. Je suis née en 37, alors. Hein. Je découvre ce qu'elle dit. C'est impactant, quand même, ouais, quand vous entendez ça. Mais oui, tout à fait. C'est impressionnant de se dire que bah, sur le sol français, il s'est passé ça quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui. On comprend. Et vous avez beaucoup souffert, j'imagine, avec cette invasion allemande? Oui, On était restrictionnés. Hein. On n'avait pas toujours à manger. Hein. C'était dans quelle Le matin, il fallait se lever de bonne heure, aller chercher des os pour faire un bambouillon avec les os. Et vous étiez dans quelle région? C'était pas la bonne époque chez nous. Vous étiez dans quelle région à ce moment-là? À Fontaine. J'ai pas quitté Fontaine de 28 jusqu'à 48. 54. Donc c'était sur la commune de Fontaine. Et c'est où ça? Dans l'Isère. C'est à côté de Grenoble. Grenoble, oui. C'est ça. Il y a le Drac, Grenoble et Fontaine derrière le Drac. Mais oui, mais moi je connais. C'est pas dans le. Je connais pas le Jouan. Le Drac. Eh ben oui. On allait se baigner les pieds. L'eau était gelée. Ah bah oui, elle descend des montagnes. Eh oui, c'était de l'eau des montagnes. Eh ben nous, on pataugeait dans cette eau. Et vous aviez un bon souvenir quand même, de ces petites baignades dans le Drac? Pas tellement. Dans le Drac? Pas tellement. Ah ouais, à l'époque, c'était peut-être moins sale que maintenant. Avec, sans les industries chimiques au oui. Sud. Vous avez des souvenirs peut-être aussi de la ville de Fontaine. Comment elle était à cette époque? C'était agréable? C'était comment? Elle était tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de monde. De voitures aussi. Ça commençait juste à se développer. C'était donc des petits immeubles, j'imagine, ça commençait. Oh oui, des petits immeubles, vous pouvez le dire. Hein. Des tout petits immeubles qui valaient pas un sou. Ça n'existait pas, les immeubles, c'était des maisons, non? Hein? Il y avait quand même des immeubles à oui, cette époque. Oui, il y avait des. Mais c'était vieux. Ah bon? C'est-à-dire, c'était vieux, c'était insalubre, c'était comment? Aucun attrait, hein. Ah, c'était moche. C'était moche. Pour vous, c'était moche. Il y avait quoi, Fontaine? C'était de la nature, hein, j'imagine, qui dominait encore. Il y avait encore beaucoup de campagne. Il y avait beaucoup, beaucoup d'usines. D'usines de faux. Il y avait 7 usines de faux. Tout le monde travaillait dans ces usines. C'est quoi les faux? Les faux des vaches. Les peaux des vaches. Ah, les peaux, je comprends. Ah, les faux animaux. Ah, oui. Ma maman, elle a beaucoup travaillé là-dedans. Et elle raclait. Quand ils enlevaient la faux, il fallait racler tout ça. La faux, il fallait qu'elle ait plus de chair. Ah oui. Vous avez vu peut-être des images qui... Non. Les usines, pour les enfants, c'était interdit. Hein. Même de s'en approcher? Oh, s'approcher. On ne pouvait pas s'approcher. Hein. C'est des guerres. Et pourquoi c'était interdit? Toutes les usines étaient interdites pour les enfants. Ah, hein. D'entrée, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, d'accord, oui. Parce qu'il y avait des machineries, choses dangereuses. Oui, oui. Oui. Oui, c'était pas un lieu public, quoi. Il ne voulait pas qu'il y ait un accident. Hein. C'était pas un lieu public. C'est ça. Autour de la table, vous pensez quoi du témoignage de Madame Gors? C'est intéressant. Ah, Madame Gors, non. Madame Gors, pardon, excusez-moi. Madame Cotte, pardon. C'est intéressant. C'est des choses que je ne savais pas. Bah oui, moi non plus, je ne savais pas. Pas du tout. On est plus jeune. Elle est née en quelle année, cette dame? Oui, voilà. Les filles, quand elles étaient à l'école. Cotte, il y a des gens qui se moquaient de vous? Oui. Non, de mes filles, hein. Ah, de vos filles. Quand elles passaient à côté. Cotte, moi, c'est pas très gentil, ça. Elles n'étaient pas contentes. Et vous arrivez à chez moi en pleurant. Ah oui, c'est pas très gentil, ça. Pourquoi? Voilà. Ça veut dire quoi, ce Cotte? En fait, ils se moquaient du prénom de Madame Cotte. Ils faisaient le poulet. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est très charmant, comme on dit. Avec l'ironie, évidemment. On est pas quand on est gamin. Ah oui, non, mais l'enfant est cruel, hein, de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Les enfants sont cruels entre eux. Sans le savoir. Il fallait faire un tour à l'école pour voir ça, hein. Pour vous, les souvenirs en tout cas que vous avez de votre enfance, c'est plus ou moins joyeux. Je parle bien évidemment pour le reste d'entre vous. Comment c'était pour vous? C'était normal? Oui, c'était normal. Moi, je vois pas de... Si on nous agaçait pas, c'était normal. Oui. Vous avez peut-être des souvenirs aussi, j'imagine, avec vos grands-parents. Ah ben moi, j'allais en vacances. J'ai connu surtout mon grand-père paternel. Il était dans l'Oise. Vous savez, il a eu 13 enfants. Parce que c'était des Espagnols. Parce qu'il y avait Hitler chez nous. En Espagne, c'était Franco. Ils sont sortis de l'Espagne, ils sont vite venus à Grenoble pour se mettre à l'abri. Ils n'étaient pas mieux protégés parce qu'il y avait Hitler alors. Ah. Ah, ça, c'est un mauvais, mauvais souvenir pour moi. Oui, elle ne nous raconte pas des belles choses. Oui. Mais bon. Vous avez peut-être aussi de beaux souvenirs, j'imagine. Il n'y a qu'une tante qui m'aimait beaucoup parce qu'elle voulait une fille et que sa fille, ben, c'était un garçon. Donc, alors, elle considérait comme ça. C'est elle qui faisait beaucoup de cadeaux, des frais, parce que mes parents manquaient des sous. Hein. Ben oui. Elle, elle travaillait. Son mari travaillait, ça allait. Donc elle pouvait, oui. Donc vous en profitiez, c'est bien. Oui. Et comment elle s'appelait cette tante ? Lucienne. Ah, Lucienne. Lucienne Calvet. Enfin, quand elle était mariée, enfin, plus son nom de fille. Et Lucienne, elle habitait à Fontaine aussi ? Non, elle habitait Grenoble. Sa maman, elle a, son mari, elle a perdu son papa à la guerre de 14. Elle était toute seule avec sa maman. Elle avait un frère. Il était plus grand qu'elle, alors elle le voyait très feu. Et vous vous souvenez dans quelle rue elle habitait à Grenoble ? Le Courbéria, le Courbéria. Et vous vous rappelez un petit peu de comment c'était le Courbéria à l'époque ? Comment on se déplaçait sur le Courbéria ? En vélo. Tram. Ah, mais tram. Il y avait déjà le tram ? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'habitais Fontaine, j'allais travailler à Grenoble. Alors quand j'étais pas trop en retard, je prenais le tram. Et c'était en quelle année ? Comment ils étaient, ces trams ? Ils étaient pas bons. C'est pas ce qu'il y a maintenant, hein. Oh là non. Et ils marchaient comment ? Ils roulaient comment, je veux dire ? Marchaient. Perche. Ah, la perche, toujours la perche, d'accord. Enfin, toujours, déjà la perche. C'est des trolleys, non ? Ah oui, quand ils changeaient de... Le trolley, oui. Ah, le trolley, c'était bien plus longtemps après, hein. Tram, c'était vieux, hein. Ils étaient de quelle couleur, les trams, vous vous souvenez ? C'était sombre, peut-être ? C'était très sombre. C'était cette ambiance un peu... C'était en quelle année, d'ailleurs ? Vous vous souvenez à peu près quand vous prenez le tram ? J'avais 10 ans, 12 ans. Et vous alliez, j'imagine, rejoindre aussi parfois des amis à Grenoble ? Oh, des amis à Grenoble ? Non, je n'avais pas. Il y en avait, mais ils avaient été beaucoup plus loin que Grenoble. Vous avez un souvenir globalement de, aussi peut-être de Grenoble ? Comment c'était avant ? Je ne saurais pas vous dire. Parce qu'on a vu quand même l'évolution. Je ne sais pas si vous aviez eu peut-être... Vous êtes revenu en tout cas sur Grenoble ces dernières années. Ah oh, bah oui. Mais ça a changé. Oh là ! Si ça a changé, les immeubles, ils sont d'une monstre. Avant, on voyait pas ça, ces grands immeubles comme ça. Bah oui, non. C'est vrai que c'était un premier, un deuxième, et c'était tout. Hein. C'était des petits immeubles ou des maisons. Petits immeubles, voilà. Oui. Eh ben, parce que ça, c'était moins cher. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on habite dans les grands immeubles, c'est moins cher. Oh, non, ça m'étonnerait. Ah oui, parce qu'en tout cas, à votre époque, habiter en maison, c'était beaucoup moins cher. Immeubles. Hein. Ouais. Moi, mes parents ont toujours habité dans un petit immeuble. Un rez-de-chaussée, un étage, c'est tout. Les maisons, quoi. Les maisons, hein, un étage. On va parler aussi un petit peu de l'école, globalement. Est-ce que vous avez des souvenirs, peut-être, d'une institutrice qui vous a marqué ? Ah oui. Mademoiselle Vial. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, Mademoiselle Vial ? Ben, disons qu'à l'école maternelle, j'ai eu une institutrice qui m'a traumatisée parce que j'étais gauchère. Aïe. J'ai vécu ça très mal, évidemment, mais grâce à Mademoiselle Vial, mon institut du CP, j'ai appris à lire en 2 mois. Et c'était la main droite. Je m'en suis sortie. Bloquée dans le dos, hein. La main droite. Je n'allais pas se servir de la main droite. On pouvait faire. C'est de la main gauche, il était bloqué. Interdit de se servir de la main gauche à l'époque. Hein. Pourquoi ? J'ai jamais compris. Oh, il y en a pas. Pourquoi ? D'ailleurs, la droite, je ne sais pas ce que c'est. C'est là qu'ils ont contrarié beaucoup certains enfants, il paraît. Hein. Oui. Mon père aussi était gaucher. Ah. Et ses parents lui attachaient le bras à la chaise. Oui, voilà. C'est ce qu'on faisait à l'école. Ouais, c'est bien idiot. Attachait le bras. Enfin, je ne sais pas écrire de la main gauche. Je sais écrire que de la main droite, en fait. Parce qu'on m'a appris dès le début à écrire de la main droite. Aujourd'hui, on peut apparenter cela à de la maltraitance, hein, quand même. Oui, exactement. Bah, disons que l'instit qui était si, comment dire, qui n'était pas à sa place, à mon avis, a été renvoyé de l'école. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs plaintes. Tant mieux. Donc l'école, pour vous, ça représente quoi ? Ça représente quoi quand vous repensez à l'école, globalement ? Une éducation. Ah bah tiens, elle m'en met la bouche. Une éducation, une entrée. Nous éduque. Une ouverture de l'esprit. C'est intéressant le mot éducation parce que on a une première éducation de par nos parents, en théorie. Vient ensuite celle de l'école, elle était différente ou similaire ou complémentaire? Elle était plus sévère. Bien plus sévère que différente. J'ai rien à dire de mes instits, de mes profs. Il n'y a que Madame Noiret, donc cette dame qui m'a contrariée parce que j'étais gauchère. Autrement, toutes les autres professeurs étaient super. Rien à dire. Et j'ai aimé étudier, et j'aime toujours d'ailleurs. J'ai quitté l'école pour être autodidacte, en fait. C'est-à-dire dans quel domaine ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous avez fait plusieurs métiers, j'imagine ? Ben, j'ai beaucoup travaillé dans le secrétariat. J'ai été auxiliaire de vie, tierce personne. La première profession que j'ai voulu exercer, c'était danseuse. Quand j'avais une dizaine d'années. Alors là, les parents. J'ai entendu les valses de Vienne, j'ai eu envie de danser. Les parents n'aimaient pas ça, hein. Ah bon, vos parents n'aimaient pas ça? Non. Pourquoi? Moi, les miens, hein. Il fallait sortir pour aller danser ailleurs, hein. Enfin, danseuse classique, hein. Oui, je précise. Oui. C'était danseuse classique. J'avais bien compris ça. La deuxième. Moi, c'était la danse populaire. Ah oui. La deuxième profession, c'était interprète. Ah, c'est déjà mieux. J'aime beaucoup apprendre des langues étrangères. Vous parlez combien de langues ? Le français, l'italien, l'anglais. Vous êtes donc trilingue ? Oui. Disons, parler anglais, c'est beaucoup dire. Je l'ai étudié pendant 9 ans, mais je n'ai jamais pratiqué cette langue. Mais bon, j'ai voulu apprendre l'espagnol, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. D'où est venue cette passion pour la danse, classique ? Il y avait de bons danseurs dans ma famille, mais ce n'étaient pas des danseurs classiques. C'était des danseurs tango, valse, passo, etc. Quoi. Mais moi, j'ai aimé la danse classique. Quoi. Voilà. Et puis, j'ai aimé la musique. Enfin, j'en reviens à la musique, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, la musique a toujours été très importante pour moi. Vous avez peut-être des souvenirs aussi, peut-être, hein, je dis bien, qui vous reviennent chez vous, un poste allumé avec de la musique, peut-être avec un membre de votre famille. Oui, ma sœur, elle avait un électrophone. Oh mon Dieu. C'est quoi exactement un électrophone ? Un tourne-disque. Un tourne-disque, oui. Oui. Tout à fait, ouais. Je me souviens, c'était très ancien. Il y avait un haut-parleur comme ça. C'était pas un gramophone, c'était un... Ah, un oui. Un électrophone. Électrophone, alors, voilà. Moi, j'ai toujours dansé avec ça. L'électrophone. Le son était bon. Il y avait des moments. Ça peut-être très loin. Oui. Il fallait monter la manivelle pour que le disque tourne. Non, mais ça, c'est le gramophone. Ça baissait doucement et bon, il n'y avait plus rien. Et il fallait le recharger. Voilà. Alors, non, mais... Ah oui, d'accord. Ça, c'est le gramophone. Oui, moi, j'ai connu ça. Oui, d'accord. Il fallait remonter la manivelle. Il y avait quoi comme musique sur le gramophone ? Quand vous remontiez la manivelle, vous vous souvenez ? De certains airs, peut-être, que vous avez entendus ? Oh, ce qu'on chantait à cette période, hein, c'est ce qu'on entendait. Moi, j'avais acheté beaucoup de feuilles de chansons. Je n'avais une file comme ça. À cette époque-là, j'imagine que la radio FM n'existait pas, c'était de l'AM. Non, moi, la radio, je l'ai connue qu'à 20 ans, hein, qu'à 20 ans. C'était de la radio AM, à l'époque, d'ailleurs. Mon père avait beaucoup de chansons, de partitions de musique. Ah, oui. Moi, c'est ça ce que j'avais. J'en ai jeté un faquet, comme ça. J'en ai jeté un faquet. Donc la musique, c'est quelque chose de fort, alors, pour vous ? Ah oui, pour moi. Pour moi, hein. Parce que je voulais danser. Alors, il fallait bien de la musique, hein. On va laisser aussi un petit peu plus la parole à notre droite. Elle dit rien. Est-ce que vous avez peut-être eu des hobbies, des passions étant jeune, vous vous souvenez ? Vous savez, j'étais fille unique. Mmh. Alors, aussi. J'étais fille unique. J'habitais de Paris, quoi, à Neuilly-sur-Seine. Alors moi, j'étais fille unique et mon mari était fils unique. Non, mais mon mari, non, il n'était pas fils unique. C'était comment l'Oise avant ? Bah, je suis née à Beauvais. Beauvais, c'est quand même une grande ville. Et puis ma grand-mère, elle habitait l'Oise aussi, à un petit village un peu plus loin, quoi. Et j'y allais pendant les vacances. Comme j'étais toute seule, j'étais fille unique, alors j'avais pas beaucoup de choix. Action, oui, hein. Voilà, ça devait être triste. Hein. Bah, triste. Non, quand on n'a pas connu. Non, puis même. Non, quand j'allais dans l'Oise, ma grand-mère, elle tenait un café, puis elle faisait bal. Il y avait de la musique et tout ça. Oui, non, mais je ne me suis pas ennuyée. Non. Vous avez des souvenirs de ce café, justement? Bah oui, tout à fait. Oui. C'est quoi qui vous a marqué dans ce café? C'était un café, oui, avec un comptoir. Et puis, il y avait un billard, donc les messieurs, ils venaient jouer au billard. Et quand il y avait bal, c'était partagé en deux dans des grandes portes en bois. Et quand il y avait bal, on ouvrait le tout et on poussait le billard dans le fond de la pièce. Et on avait cette façon de danser. Vous dansez beaucoup dans ce café? Ah oui, j'aimais beaucoup, moi, danser. Ah oui. Vous dansiez quoi? Comme quel style? Toutes les danses. Dans une époque, certainement. Ah ben oui, c'est mon époque. Il y a des musiques qui reviennent de... Toutes les musiques romaines, oui. De l'accordéon. Ah ben oui, il y avait tout, oui. Ah oui, il y avait des musiciens, trois ils étaient. Il y avait quoi, accordéon, flûte Oui, bah, puis accordéon et puis batterie. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Oui. C'est important la batterie dans la musique. C'est ce qui fait la basse. Eh oui. Et qui donne le tempo. Et il y avait beaucoup de monde parce que c'était un village où les jeunes n'avaient pas grand-chose. Il fallait qu'ils aillent à Beauvais pour se distraire. Donc ma grand-mère, elle savait qu'ils s'ennuyaient et quand elle les voyait quand ils venaient jouer au billard, elle leur disait « Bon, ben, je fais bal à telle date. »« Ah oui, c'est bien, allez, on y va. » C'est la grande fête. Ah ben voilà. Il y a aussi des souvenirs avec vos parents, vos proches? Bon, ben mes parents, ils habitaient Paris, quoi, à Neuilly-sur-Seine. Et puis moi, j'allais en vacances chez ma grand-mère, les 3 mois. Le café, c'est quand même un lieu intéressant, puisque c'est un lieu où convergent, on va dire. Il y a une certaine mixité aussi, il y a beaucoup de... Ça se passait comment? C'est surtout beaucoup d'hommes qu'il y avait. Ah oui, les femmes, elles n'allaient pas. Qu'est-ce qu'elles auraient fait, là? J'aurais joué au billard? Oui, Bah alors, non. Elles venaient, c'est quand il y avait bal, c'est tout. Elles ne dansaient pas? Ah bah si, elles dansaient quand il y avait bal. Quand il y avait bal seulement? Bah oui, tout à fait. C'est plus des hommes, effectivement. Oui, bah oui. Qui dit homme dit peut-être bagarre, non? Oh non, tout à fait, c'était correct. Non, puis ma grand-mère était assez sèche. Ouais. Il n'y avait peut-être pas d'alcool. Moi, j'ai commencé à danser dans des garages. Hein. Ah oui? Dans des garages? Oui. C'est intéressant. Eh ben oui. Ce qui avait été une villa, qui avait un garage en bas. Ouais. Allez, on va danser. Ah ben oui, vous cherchiez un emplacement pour aller, non? Non, là, c'est comme ça qu'à 14 ans, moi, j'ai commencé à apprendre à danser. Ouais. Non, c'est intéressant parce que justement, vous qui avez connu un petit peu, on va dire, les arrière-plans de l'organisation d'un bal, etc. Oui, ouais. Il n'y avait pas d'ampli, pas de micro, c'était uniquement des instruments. Uniquement, oui. Le billard, il était poussé dans le fond, puis la pièce, elle s'était ouverte avec les séparations. Et puis, il y avait une grande armée, puis il y avait le comptoir. Puis mon grand-père, il faisait les cheveux, les barbes. Donc, il avait un emplacement également. Et c'était tout ça dans le village. Il faisait tout, quoi. Hein? Il était coiffeur? Il était coiffeur, il faisait les barbes, oui, tout à fait. Vous avez ce souvenir un peu de... Ah oui, non, mais ça, je suis sûr. Et d'ailleurs, je connais toujours, je vais toujours à Noyers-Saint-Martin. Vous le voyez toujours aujourd'hui? Ah oui, je vois... Ah ben non, je vois d'autres personnes, mais bon, je peux toujours y aller. Et j'avais mes autres grands-parents qui étaient dans le même village. Ma mère s'était mariée avec un jeune homme, qui était dans le même village. Et justement, au niveau du café, il s'appelait comment? Comment s'appelait l'établissement? Même pas, il n'y avait pas de nom. À l'époque, il n'y avait pas de nom. On donnait pas de nom. Non. Si, le nom que du propriétaire. Oui, voilà, ça, oui. C'était Maillard, il s'appelait Maillard. D'accord, donc en fait, à l'époque, on donnait des noms en fonction du nom de famille. Oui, ça dépendait. De ceux qui dirigeaient ces établissements. Oui. Mais là, c'était mes grands-parents. Et est-ce que vous vous souvenez particulièrement d'une ambiance, de quelque chose qui vous a marqué? Oh ben, j'aimais bien y aller, moi, parce que quand il y avait bal, j'aimais bien. J'aimais la musique, j'ai beaucoup aimé ça, oui. Vous avez peut-être rencontré des personnalités aussi, qui sont passées? Des personnalités, non, quand même pas, parce que c'était quand même un petit village. Hein. Et j'avais mes autres grands-parents dans le même village. Hein. Donc mes parents se sont mariés ensemble, puisqu'ils habitaient le même village. Mais c'était pas grand, quoi, c'était... J'ai aucune idée de combien il y avait, mais bon, c'était pas grand, mais on s'amusait, quoi, il y avait du monde. Il y avait un autre café sur la place, mais il faisait pas tout ce que ma grand-mère faisait. parce qu'elle, elle faisait tout ce que pour les jeunes. Alors les jeunes, ils venaient tous à... Quand vous évoquiez Beauvais, par exemple, la ville-centre, oui. C'était comment? C'était quoi l'ambiance à l'époque? C'était pas aussi peuplé, j'imagine, que maintenant. Hein. Oh ben non, ah oui. Beauvais, peut-être, c'était grand, c'était une grande ville, Beauvais. Hein. Mais bon, non, nous, on était, je ne sais plus à combien de kilomètres, c'était pas loin. La vie, elle était paisible, donc oui, c'était... Oui, tout à fait. Moi, j'aimais bien y aller. D'ailleurs, j'attendais que ça pour y aller. J'allais à l'école, et puis après, si toutes les vacances arrivaient, pof, mes parents savaient où m'emmener. Direction la Picardie. Eux, j'étais débarrassé parce que j'étais infernale. Et puis, mes grands-parents, ils m'aimaient bien parce que j'étais bien méfiée. J'étais infernale. Vous étiez infernale. Oui. Vous teniez pas en place. Oui, paraît que... Hein. Et quel garçon manquait? Et chez ma grand-mère, j'étais sage. Tout le temps. Ah ben oui. Mais elle me donnait les courses, c'est moi qui allais faire les courses avec mon vélo. Eh oui. Quand vous dites que vous étiez infernal, c'était quoi? Vous avez des petites anecdotes, par exemple? Je faisais des tas de trucs qu'il ne fallait pas faire, quoi. Vous cassiez pas la vaisselle, quand même. Ah ben, je cassais pas. Non, parce que là, il m'aurait mis... Non, mais je faisais des blagues sans en faire, mais bon, il fallait me surveiller, quoi. Des sottises, quoi. Il fallait me surveiller. Ah ouais. Ah, j'étais fille unique, hein. Justement, des bêtises, vous en souvenez peut-être Non. Vous n'avez pas de souvenir de bêtises que vous avez pu faire? Non, pas trop grave, non. Non. C'est marrant de se remémorer ce genre de souvenirs. Ouais. J'imagine que vous aviez aussi beaucoup d'amis aussi qui vous entouraient. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Pas beaucoup, non. Non, pas spécialement pas? Non, de jeunes comme moi, non. À l'époque, il y en avait, mais bon, on se fréquentait pas. C'est qu'on ne nous laissait pas libre, hein. Ben non. Vous ne pouviez pas sortir... Bah non, comme ça. Hein. Oui, tout à fait. C'était très strict. Eh oui. Et moi, j'aimais bien y aller. J'attendais les vacances pour y aller. Alors, donc, c'est que je m'y plaisais énormément. Il y avait du mouvement, quoi. Eh bah oui, c'était plus ambiant qu'à la maison. Bah parce qu'il y avait café, il y avait du monde. Ah, tout à fait. Et puis, c'était vraiment très, très bien. Il y avait la danse toutes les semaines. Puis, ma grand-mère, elle faisait faire la danse. Et puis, c'est tout. Puis mon grand-père, je vous dis, il avait du travail, puisque c'est lui qui faisait les barbes et les cheveux. Effectivement. C'était très varié. Mais c'était pas dans la même salle, si? Ah non, il y avait, au bord de la route, il y avait l'appartement, il y avait une cour avec des arbres, comme ça, et puis il y avait le café qui était dans le fond. C'est englobé, quoi. Ah oui. Puis de chaque côté, il y avait des salles, quoi, pour mettre des affaires, quoi. Oui, c'était bien. D'ailleurs, j'y allais tout le temps. Sitôt les vacances arrivaient, hop. J'avais mes deux grands-parents dans le même village, alors tout le monde était content. J'étais chez ma grand-mère avec, et puis après, le midi, j'allais chez mes grands-parents de mon père, les parents de mon père, et je revenais le soir. Il y avait une préférence, ou au contraire, c'était... Non, c'était pareil. Non. Ils étaient aussi gentils les uns que les autres. Est-ce qu'il y a, je pose la question à tout le monde, des plats qui vous ont marqué aussi, peut-être que vous avez mangé étant jeune? Des plats, des spécialités culinaires. La cuisine c'était pas ça, hein. Ah non, c'est pas comme maintenant. Ah bon, c'était pas bon? C'était tout à l'eau. Tout à l'eau. Eh ben oui. La cuisine italienne. Ah, bah on peut en parler, la cuisine italienne, si ça vous dérange pas. On va parler de la cuisine italienne, c'est intéressant. Vous aviez un plat en prédilection quand vous dites cuisine italienne ou c'est un ensemble de plats? Spaghetti. Des spaghettis, entre autres. Ah oui, entre autres. Maman faisait des pâtes à la main. Ah, elle faisait même des gnocchis, des lasagnes, beaucoup de choses. Vous étiez gâtés, Maman était toscane. Ah oui. De Toscane. Oui, maman était toscane, papa était sarde. Oui, j'étais dans le bien. J'étais mariée. Ces plats-là, vous avez peut-être vu votre maman faire, effectivement, quand vous la voyez faire des pâtes, ça vous a peut-être donné envie de le faire aussi? Vous avez peut-être aidé votre maman Non, j'ai commencé après mon mariage. Quoique, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire à manger à mon père, mais c'était une catastrophe. Ah bon? J'ai vraiment appris à cuisiner bien après mon mariage. Moi aussi. Par contre, les plats de maman, ils étaient bons. Ah oui, mais elle n'aimait pas cuisiner. Ah bon? Et elle faisait de la bonne cuisine. Ah bah c'est bien alors. Mais c'était bon tout ce qu'elle faisait. Et justement, vu qu'on est dans l'Italie, dans la Dolce Vita, on va dire, des souvenirs de Toscane, peut-être? Ah oui, j'ai dû y passer 2 ans de ma vie. Ah oui, donc... Je connais bien la Toscane. C'est comment? Comment était l'esprit là-bas? Les Toscans sont... Disons que les Grenoblois sont plutôt froids. Oui. C'est ce qu'on a toujours dit. Ceci dit, quand ils nous accordent leur amitié, on est tranquille. Mais ils sont plutôt froids de prime abord. Voilà. Tandis que les Toscans sont très ouverts. Ah, sont accueillants. Très accueillants et ouverts d'esprit. Oui. Oui, il y a ce côté-là, ce côté méditerranéen qui ressort. Un peu. Oui. Ouais. C'est quoi? C'est des images qui vous reviennent en tête quand vous pensez à la Toscane? C'est la famille aussi, peut-être? Oui, j'ai beaucoup de famille en Toscane, en effet. Encore que je n'ai pas vue depuis des années, d'ailleurs. Hein? Ils vous manquent aujourd'hui? Parfois, oui. J'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus. Je sais que j'ai plus ni oncle ni tante, ils sont morts. Il me reste des cousins, cousines. Autrement, j'ai de la famille dans le nord de la France aussi. De quel côté? Du côté de Douai. Dans le nord? C'est dans le nord. Dans le nord, oui. Vous êtes déjà allé, j'imagine, à Douai? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup les ch'tis. Ah oui? Les ch'tis? C'est quoi, justement? Il y a une certaine ouverture, une chaleur humaine? Une chaleur humaine, oui. Ils sont accueillants. Ils sont encore plus accueillants que les Toscans. Ah oui? Plus accueillants. Je me souviens, la première fois que je suis allée dans le nord de la France, je marchais sur les trottoirs tranquille. Bonjour, comment allez-vous, etc. Venez boire un café. Oh. Des gens que je connaissais pas m'invitaient, quoi. Bah, c'est pas vrai. Ouais. Si, si. Oui, oui, oui. Tout à fait. Très accueillant. Ah, j'étais vraiment ouvert, très ouvert alors. Ouais. Et ça arrivait souvent comme ça, que vous descendiez dans la rue et quelqu'un... C'est arrivé quelques fois. Ah oui, quand même. Pas au point de m'inviter à chaque fois. Ah oui, quand même. Je comprends mieux ça. Mais c'est arrivé. Mais c'est un état d'esprit. Oui, oui, oui. Il n'est pas raciste du tout. Oui, oui. Oui, il y a une certaine... C'est même pas une question d'être raciste, c'est une question de timidité, de comment on pourrait dire ça? D'ouverture. Oui, d'ouverture, voilà, d'ouverture. Oui. Ouais. Enfin bon, j'ai... Allez, j'ai coupé votre parole, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Oui, donc effectivement... Je suis défendée de tout ce que nos parents nous disaient. On n'inventait pas, nous. Vos parents, ils disaient quoi, par exemple? Qu'il fallait faire attention à ça. Ah oui. Faire attention à ça. Voilà. Pourquoi? Toujours des conseils, ils te donnaient toujours des conseils. Des conseils, voilà. Ah ouais, bah c'est ça. Oui, ça va un bon moment, mais il ne faut pas que ça soit quand même sans arrêt. Hein. Ah oui. Eh bien oui, il faut quand même avoir... D'être un peu plus libre. Ah, eh bien oui. Je sais pas. Ben oui, mais des conseils, c'est pas, oui, c'est un conseil, c'est pas une obligation. Quand on est petit, c'est bien d'avoir des conseils, mais après, en grandissant, on n'en a plus besoin. On essaye de penser soi-même. Vous voyez? Oui, ah oui, oui, il y a ça aussi. Parce que les jeunes plus âgés que nous, on apprend ce qu'ils disaient. Hein. Mais effectivement, il y avait plus cette ouverture, en tout cas, j'imagine, chez vous, c'était plus libre. Plus libre, oui. Non, pas plus libre. Plus serré, au contraire. Plus sévère. Parce que vous étiez une fille, peut-être. Il me semble que les filles, on les serrait mieux que les garçons. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai entendu dire, moi. Ils avaient toujours peur que... Toujours peur que Marie quelque chose. Ah, oui. Une fille était moins libre qu'un garçon. J'ai entendu dire dans les petits villages, oui, c'est vrai. Ouais, il n'y avait pas le même traitement qu'on retrouve aujourd'hui. Les filles étaient surprotégées. Voilà. Oui, j'ai été surprotégée, j'étais la petite dernière. Ah. moi aussi, j'ai la petite dernière. Racontez-nous. Je suis née en 51, il y avait 11 ans d'écart avec ma sœur qui était née en 40 et mon frère en 39. Donc, j'ai été l'enfant gâté. C'est bien. Plus ou moins, par mes parents. C'est-à-dire que vous aviez tout. J'ai jamais été très exigeante. C'est pas ma nature. Et avec la différence d'âge, Disons qu'en 1960, quand ma sœur s'est mariée, je suis restée toute seule à la maison. Aïe. Et puis, mon frère n'était pas encore marié. Il s'est marié à 27 ans, mais il n'était jamais là. Ah, il ne s'occupait pas de vous. Ah, si. Si, ça a été un frère extraordinaire. qui s'occupait beaucoup de moi. Et plus grand toujours. Hein. C'est lui qui m'a acheté mon premier vélo. Tu dis qu'il n'était jamais là et puis tu dis qu'il t'a beaucoup aidé. Mais, car il m'a beaucoup... Il était présent. C'était un frère présent, oui. En fait. Hein. Disons que oui. Quand j'étais enfant, là. Non. Ben, il était prêt. Ben, il avait 20 ans. Ben, il avait autre chose en tête, quoi. Mais il était gentil avec moi. C'est quand même lui qui m'a offert mon premier vélo, qui m'a offert ma première montre. Ah, c'était vraiment le grand fier gâteau, alors. Oui. Tout le temps était gentil avec moi. Tout le temps. Et quand il est parti en Italie, j'allais en Italie, je pouvais compter sur lui. On s'entendait très bien. Vous avez des souvenirs marquants avec votre frère Mon frère était un artiste. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il plaignait. C'était un bon peintre. Ah, moi, j'ai un oncle qui n'est pas, mais c'était tout au fil. Il faisait des expositions en Italie. En Italie. Ah, bah oui, c'est bien italien, ça. En Italie, voilà. Vous avez vu déjà un de ces tableaux qui vous a peut-être marqué, ou plusieurs même? J'en ai dans ma chambre. Ah oui? De votre frère? Oui, de mon frère, oui, j'en ai. Des paysages, c'est quoi? Des paysages, oui. Ça vous fait quoi de revoir ça? Il est toujours vivant dans mon cœur, en tout cas. Ah ouais, chaud. Vous le revoyez parfois, j'imagine, dans vos souvenirs? Bien sûr. Mon frère, ma sœur, tous ceux qui ne sont plus là, en fait. Mes parents aussi. Donc en fait, j'imagine que la fibre autodidacte que vous avez, elle vient de là aussi. C'est-à-dire que vous avez grandi dans une famille très artistique. Oui. Oui, mais mon frère n'aimait pas étudier, par contre. Le contraire de vous, Janine. Il n'aimait pas aller à l'école. Il faisait la cour à maman, lui disant « Maman, je te fais la vaisselle, je te lave par terre, mais ne m'envoie pas à l'école. » Oh mon Dieu. Il n'aimait pas l'école. C'était pas obligatoire à l'époque? Si. Ça a toujours été obligatoire. Ah, ouais. Il y a une fin d'obligation. Si, ça marchait pas, évidemment. Mais bon, il n'aimait pas l'école. Il y avait une fin maternelle, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Il y avait des sanctions? Si, par exemple, un enfant n'allait pas à l'école, comment ça se passait? Je ne sais pas. Ils avertissaient les parents. Il y a été quand même. Hein. Et la fessée. Ah oh, oui, les gens... Il y a été quand même. Hein. Ça marchait pas. Mais il n'a pas appris grand-chose. Bon, c'était un artiste, il voulait faire sa vie comme il l'entendait. Eh bien, il a fait bien raison. Mais oui, mais si tout le monde faisait pareil, dedans. Hein. Ah, des artistes, il en faut quand même. Ben, oui, il en faut, mais si tout le monde fait pareil, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? Tout le monde n'aime peut-être pas faire pareil. Eh ben non, mais qu'est-ce qu'ils font? On ne s'occupe pas d'eux alors, les autres? Ah. On était trois, il y avait un artiste et deux chanteuses. Ma sœur était la plus belle voix. Et moi, j'avais l'oreille. J'étais plutôt le chef d'orchestre. Parfois, vous réentendez des fois la voix de votre sœur chanter, ça vous arrive? Je l'ai enregistrée. Ah, bravo! C'est génial. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un bout de cet enregistrement? C'est possible, vous pensez? Oui, c'est une cassette, en fait. Ah. Il y a encore de quoi passer des cassettes aussi? Ça existe encore? En radio, malheureusement, non. Mais, mais on peut le faire numériser. Oui. C'est possible. Mais c'était sur cassette. Vous le réécoutez parfois? Ça vous arrive de réécouter cette cassette? Je ne l'ai plus écoutée depuis longtemps. Disons que j'ai hérité de cette cassette après le décès de ma sœur. Mon neveu m'a apporté cette cassette. Et pourquoi vous ne voulez plus l'écouter? Ça vous fait mal? Non? Un peu. Voilà. Un peu. Et puis ça me touche. En fait, c'est les dernières chansons qu'elle chantait, en fait. Hein, parce que les premières chansons que je lui ai entendues chanter, c'était... des vieilles chansons. Une chanson qui s'appelait Te Quiero, une autre chanson qui s'appelait Padre Don José, et une troisième, c'était la chanson du film Orfeo Negro, je ne me rappelle plus le titre, enfin. Mais les enregistrements que j'ai, elle chante Acropolis de Mireille Mathieu, et puis d'autres chansons plus récentes. Voilà, il y en a trois, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que trois. Mais elle avait une voix magnifique, en fait. Et une cassette, ça se conserve assez longtemps, alors? Bah oui. Vous l'écoutez? Ah oui, c'est vrai que vous n'étiez pas. Elle avait enregistré ça en studio? Non, non. Oui, non. Ça doit peut-être bien être. On n'a pas été en studio. Ça doit pas être bien net, peut-être, alors? Si, c'est net quand même. On l'entend bien sur la cassette. Ah. On l'entend bien. Ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas réécouté, cette cassette? Un an, pas plus. C'est récent, quand même. Oui. Oui, j'ai mis longtemps avant de me décider à l'écouter. Ah. Parce qu'après sa mort, j'étais complètement vous laissez. C'était pas en état de l'entendre, quoi. J'ai même écrit un poème pour elle. Vous avez des souvenirs de vos petits-enfants aussi, peut-être ? Oh, moi, j'en ai beaucoup, oui. Ouais. Mais bon. Je les ai pas vus beaucoup, moi. Vous les avez pas vus beaucoup ? Non, je ne les ai pas vus beaucoup, mais non, ils étaient loin. Moi, j'étais sur Paris tout le temps. Alors, donc, il fallait qu'on aille les voir. On y allait pendant les vacances. C'est bien dommage. Ben oui, c'est comme ça. Et ouais, c'est tellement beau. Mmh. Vous avez des beaux souvenirs avec votre petite fille ? Oh oui, avec mes petites filles, j'ai des beaux souvenirs. Ma petite fille, pas mes petites filles, parce que sinon, il y a deux garçons, mais ma petite fille. Oh là là. Est-ce que j'ai pu la garder, la cajoler, là ? Mettre des jolies petites robes, là, là. Oh, mon Dieu. C'est des souvenirs qui vous reviennent, là ? Ah, qui me réchauffent encore le cœur. Ouais. Un des meilleurs souvenirs que vous avez passé avec elle ? Le meilleur souvenir, qu'est-ce que j'ai ? Qu'on a fait des bons petits repas, elle aimait bien venir manger, elle aime bien venir manger à la maison. Mais que vous dire ? Je sais pas. Mais c'est de belles choses. Ah oui, très belles choses. De très très belles choses. C'est beau d'être grand-mère, je vous le dis. Et c'est bon. La preuve, vous voyez, elle sort de cours et elle m'appelle. Elle tient à vous ? Ah oui. Ce soir, elle me rappellera encore. Ce matin, elle a pris qu'à 9h, elle m'a appelée. Je suis ravie. Je m'excuse, je vous fais peut-être envie, non ? Ça vous fait pas envie ? Non ? Bah pourquoi je voulais faire ça me passe envie ? Non, vous n'avez pas... Ma fille, elle n'est pas tout près. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous, c'est loin. Et oui, il y a la distance aussi qui joue, forcément. Surtout si vous êtes sur place, et ben, elle peut vous téléphoner tous les jours. Mais là, non. Et oui, oui, comme quoi. Eh bien, justement, on va arriver à bientôt à terme de cet atelier. Vous pouvez peut-être évoquer un souvenir qui vous reste en tête, peu importe lequel, un souvenir d'enfance, un souvenir de jeunesse. Le souvenir de mon premier prix de chant. Ah, bravo ! J'étais enfant, j'avais 10 ans, c'était à une kermesse, et mon frère jouait de la guitare, m'a accompagnée. On a chanté « Les enfants du Pirée » à deux voix, et j'ai gagné le premier prix. Qu'est-ce que ça s'appelait à deux voix, vous et votre frère ? Moi et mon frère, oui. Oui, d'accord, merci, excusez-moi de vous couper. C'est pas grave. Non, parce que je ne voyais pas à deux voix. Oui, la voix d'homme, voilà. La voix de femme, et vous aviez deux sons différents. Non, ce n'était pas la voix d'homme et la voix de femme, c'était le thème principal et une seconde voix. Un contre-chant. Je ne connais rien, moi, là-dedans. Voilà. Vous avez des souvenirs du public, notamment de... J'ai même eu une photo. Du public, je ne me souviens pas, mais je me souviens du prêtre. C'est lui qui avait organisé la kermesse. Il m'a demandé ce que je voulais. « Prends ce que tu veux », il m'a dit. Et j'ai pris un livre. Ah, ben ça ne m'étonne pas de vous. Voilà. C'était un de mes premiers livres. Vous aviez quel âge ? 10 ans. Elle en avance. Hein. Elle cherchait déjà les livres, vous voyez. Il parlait de quoi, ce livre ? Je me souviens de son titre, c'est « Pascal et la tempête ». Je ne me souviens plus de très bien de quoi il parlait, mais... C'était la tempête en mer. C'était pas en mer. Non, c'est ça je comme ça. Je ne sais plus, mais je me souviens de ce livre. C'était un des premiers que j'ai lu. Vous en souvenez encore ? Oui. C'est impressionnant, et en plus à l'âge de 10 ans. Ouais. Oui, c'était le 4 juin 61. Non. Le jour du premier anniversaire de mariage de ma sœur. Incroyable. Ah oui, vous vous souvenez vraiment pile de la date. C'est impressionnant. Pour vous autres autour de la table, vous avez peut-être un dernier souvenir à partager ? Quelque chose qui vous tient à cœur ? Non. Ouais, beaucoup. On ne s'en rappelle plus, c'est tout. Il y a des choses qui tiennent à cœur, mais bon. Ouais, il y en a beaucoup. Oui. Bon, et bien, super. Je vous remercie beaucoup. Parce que je pense qu'on a fait un bel échange. Tant mieux. On a bien discuté. Si ça vous a plu, c'est essentiel. Est-ce que ça vous a plu ? Bah oui. Ouais. C'était libérateur un peu, parler comme ça ? Oui, bien sûr, sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, un grand merci à vous. Quoi, merci de nous avoir accueillis. On peut s'applaudir.